J'avais une envie, c'est d'avoir envie de t'aimer pour la vie. J'avais une envie, c'est d'avoir envie de t'avoir pour la vie. J'avais une envie, c'est d'avoir envie de te voir pour la vie. Et toi, ton envie, c'est d'avoir envie de ne plus rien avoir envie. J'avais une envie, c'est d'avoir envie de te voir toute la vie. Et toi, ton envie, c'est d'avoir envie, c'est de vraiment, vraiment n'avoir aucune envie, aucune envie de me voir aujourd'hui, ni même pour la vie, ni même pour la vie. S'écroule, tout s'arrache et tout se détraque à la fin, et puis plus rien, et puis plus rien ne résidera. J'avais une envie, c'est d'avoir envie de te voir pour la vie. Mais toi, ton envie.